Chapitre 5e. Les mousquetaires du roi et les gardes de Monsieur le Cardinal. D'Artagnan ne connaissait personne à Paris. Il alla donc au rendez-vous d'Athos sans amener de second, résolu de se contenter de ceux qu'aurait choisi son adversaire. D'ailleurs, son intention était formelle de faire au brave mousquetaire toutes les excuses convenables, mais sans faiblesse, craignant qu'il ne résultât de ce duel, ce qui résulte toujours de fâcheux, dans une affaire de ce genre, quand un homme jeune et vigoureux se bat contre un adversaire blessé et affaibli, vaincu, il double le triomphe de son antagoniste. Vainqueur, il est accusé de forfaiture et de facile audace. Au reste, ou nous avons mal exposé le caractère de notre chercheur d'aventure, ou notre lecteur a déjà dû remarquer que D'Artagnan n'était point un homme ordinaire. Aussi, tout en se répétant à lui-même que sa mort était inévitable, il ne se résigna point à mourir tout doucettement, comme un autre moins courageux et moins modéré que lui eût fait à sa place. Il réfléchit aux différents caractères de ceux avec lesquels il allait se battre et commença à voir plus clair dans sa situation. Il espérait, grâce aux excuses loyales qu'il lui réservait, se faire un ami d'Athos, dont l'air grand seigneur et l'ami austère lui agréaient fort. Il se flattait de faire peur à Porthos avec l'aventure du baudrier, qu'il pouvait, s'il n'était pas tué sur le coup, raconter à tout le monde, récit qui, poussé adroitement à l'effet, devait couvrir Porthos de ridicule. Enfin, quant au sournois Aramis, il n'en avait pas très grand peur, et en supposant qu'il arrivât jusqu'à lui, il se chargeait de l'expédier bel et bien, ou du moins, en le frappant au visage, comme César avait recommandé de faire aux soldats de Pompée, d'endommager à tout jamais cette beauté dont il était si fier. Ensuite, il y avait chez D'Artagnan ce fond inébranlable de résolution qu'avaient déposé dans son cœur les conseils de son père, conseils dont la substance était « ne rien souffrir de personne que du roi, du cardinal et de M. de Tréville ». Il vola donc plutôt qu'il ne marcha vers le couvent des Carmes des Chaussées, ou plutôt des Chaux, comme on disait à cette époque, sorte de bâtiment sans fenêtres, bordé de prés arides, succursale du pré au clair, et qui servait d'ordinaire aux rencontres des gens qui n'avaient pas de temps à perdre. Lorsque D'Artagnan arriva en vue du petit terrain vague qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos attendait depuis 5 minutes seulement, et midi sonnait. Il était donc ponctuel comme la Samaritaine, et le plus rigoureux casuiste à l'égard des duels n'avait rien à dire. Athos, qui souffrait toujours cruellement de sa blessure, quoiqu'elle eût été pansée à neuf par le chirurgien de M. de Tréville, s'était assis sur une borne et attendait son adversaire avec cette contenance paisible et cet air digne qui ne l'abandonnait jamais. À l'aspect de D'Artagnan, il se leva et fit poliment quelques pas au-devant de lui. Celui-ci, de son côté, n'aborda son adversaire que le chapeau à la main et sa plume traînant jusqu'à terre. « Monsieur, dit Athos, j'ai fait prévenir deux de mes amis qui me serviront de second. Mais ces deux amis ne sont point encore arrivés, je m'étonne qu'ils tardent. « Ce n'est pas leur habitude. »« Je n'ai pas de second, moi, monsieur, » dit D'Artagnan, « car arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que monsieur de Tréville, auquel j'ai été recommandé par mon père qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. » Athos réfléchit un instant. « Vous ne connaissez que monsieur de Tréville ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, je ne connais que lui. »« Ah ça, mais... » continua Athos, parlant moitié à lui-même, moitié à D'Artagnan. « Ah ça, mais si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. »« Pas trop, monsieur, » répondit D'Artagnan avec un salut qui ne manquait pas de dignité. « Pas trop, puisque vous me faites l'honneur de tirer l'épée contre moi avec une blessure dont vous devez être fort incommodé. »« Très incommodé sur ma parole, et vous m'avez fait un mal du diable, je dois le dire. »« Mais je prendrai la main gauche, c'est mon habitude en pareille circonstance. »« Ne croyez donc pas que je vous fasse une grâce. » Je tire proprement des deux mains, et il y aura même des avantages pour vous. Un gaucher est très gênant pour les gens qui ne sont pas prévenus. Je regrette de ne pas vous avoir fait part plus tôt de cette circonstance. Vous êtes vraiment, monsieur, dit D'Artagnan en s'inclinant de nouveau, d'une courtoisie dont je vous suis, on ne peut plus reconnaissant. Vous me rendez confus, répondit Athos avec son air de gentilhomme. Causons donc d'autres choses, je vous prie, à moins que cela ne vous soit désagréable. « Ah, sang bleu, vous m'avez fait mal. L'épaule me brûle. »« Si vous voulez permettre,

À ces mots, du geste le plus cavalier qui se puisse voir, D'Artagnan tira son épée. Le sang était monté à la tête de D'Artagnan, et dans ce moment, il eut tiré son épée contre tous les mousquetaires du royaume, comme il venait de faire contre Athos, Porthos et Aramis. Il était midi un quart. Le soleil était à son zénith et l'emplacement choisi pour être le théâtre du duel se trouvait exposé à toute son ardeur. « Il fait très chaud, » dit Athos en tirant son épée à son tour, « et cependant je ne saurais ôter mon pourpoint, car tout à l'heure encore j'ai senti que ma blessure saignait, et je craindrais de gêner monsieur en lui montrant du sang, qu'il ne m'aurait pas tiré lui-même. « C'est vrai, monsieur, » dit D'Artagnan, « et tiré par un autre ou par moi, je vous assure que je verrai toujours avec bien du regret le sang d'un aussi brave gentilhomme. Je me battrai donc en pourpoint comme vous. » « Voyons, voyons, » dit Porthos, « assez de compliments comme cela, et songez que nous attendons notre tour. » « Parlez pour vous seul, Porthos, quand vous aurez à dire de pareilles incongruités, » interrompit Aramis. « Quant à moi, je trouve les choses que ces messieurs se disent fort bien dites et tout à fait dignes de deux gentilshommes. »« Quand vous voudrez, monsieur, » dit Athos en se mettant en garde. « J'attendais vos ordres, » dit D'Artagnan en croisant le fer. 5. Les gardes du cardinal. Mais les deux rapières avaient à peine résonné en se touchant qu'une escouade des gardes de son éminence, commandé par M. de Jussac, se montra à l'angle du couvent. « Les gardes du cardinal !» s'écrièrent à la fois Porthos et Aramis. « L'épée au fourreau, messieurs, l'épée au fourreau !» Mais il était trop tard. Les deux combattants avaient été vus dans une pose qui ne permettait pas de douter de leurs intentions. « Oh là !» cria Jussac, en s'avançant vers eux et en faisant signe à ses hommes d'en faire autant. « Oh là, mousquetaire, on se bat donc ici ? Et les édits, qu'en faisons-nous ? « Vous êtes bien généreux, messieurs les gardes, » dit Athos plein de rancune, car Jussac était l'un des agresseurs de l'avant-veille. « Si nous vous voyons battre, je vous réponds, moi, que nous nous garderons bien de vous en empêcher. Laissez-nous donc faire, et vous allez avoir du plaisir sans prendre aucune peine. « Messieurs, » dit Jussac, « c'est avec grand regret que je vous déclare que la chose est impossible. Notre devoir avant tout, rengainez donc, s'il vous plaît, et nous suivez. « Monsieur, » dit Aramis parodiant Jussac, « ce serait avec un grand plaisir que nous obéirions à votre gracieuse invitation, si cela dépendait de nous. Mais malheureusement, la chose est impossible. Monsieur de Tréville nous l'a défendu. Passez donc votre chemin, c'est ce que vous avez de mieux à faire. » Cette raillerie exaspéra Jussac. « Nous vous chargerons donc, si vous désobéissez. » « Ils sont cinq, » dit Athos à demi-voix, « et nous ne sommes que trois. » Nous serons combattus et il nous faudra mourir ici, car je le déclare, je ne reparais pas vaincu devant le capitaine. » Alors Porthos et Aramis se rapprochèrent à l'instant les uns des autres, pendant que Jussac alignait ses soldats. Ce seul mot suffit à D'Artagnan pour prendre son parti. C'était là un de ces événements qui décident de la vie d'un homme. C'était un choix à faire entre le roi et le cardinal. Ce choix fait, il fallait y persévérer. Se battre, c'est-à-dire désobéir à la loi, c'est-à-dire risquer sa tête, c'est-à-dire se faire d'un seul coup l'ennemi d'un ministre plus puissant que le roi lui-même. Voilà ce qu'entrevit le jeune homme, et disons-le à sa louange, il n'hésita point une seconde. Se tournant donc vers Athos et ses amis, « Messieurs, je reprendrai, s'il vous plaît, quelque chose à vos paroles. Vous avez dit que vous n'étiez que trois, mais il me semble à moi que nous sommes quatre. Mais vous n'êtes pas des nôtres, » dit Porthos. « C'est vrai, » répondit D'Artagnan. « Je n'ai pas l'habit, mais j'ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire, je le sens bien, monsieur, et cela m'entraîne. »« Écartez-vous, jeune homme !» cria Jussac, qui sans doute à ses gestes et l'expression de son visage avait deviné le dessein de D'Artagnan. « Vous pouvez vous retirer, nous y consentons. Sauvez votre peau, allez vite !» D'Artagnan ne bougea point. « Décidément, vous êtes un joli garçon, » dit Athos en serrant la main du jeune homme. « Allons, allons, prenons-en parti, » reprit Jussac. « Voyons, » dirent Porthos et Aramis, « faisons quelque chose. »« Monsieur est plein de générosité, » dit Athos. Mais tous trois pensaient à la jeunesse de D'Artagnan et redoutaient son inexpérience. « Nous ne sommes que trois, dont un blessé plus un enfant, » reprit Athos. « Il n'en dira pas moins que nous étions quatre hommes. »« Oui, mais reculez, » dit Porthos. « C'est difficile, » reprit Athos. D'Artagnan comprit leur irrésolution. « Messieurs, essayez-moi toujours, et je vous jure sur l'honneur que je ne veux pas m'en aller d'ici si nous sommes vaincus. »« Comment vous appelle-t-on, mon brave ?» dit Athos. « D'Artagnan, monsieur. »« Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. »« En avant !» cria Athos. « Eh bien, voyons, messieurs, vous décidez-vous à vous décider ?» cria pour la troisième fois Jussac. « C'est fait, messieurs, » dit Athos. « Et quel parti prenez-vous ? » demanda Jussac. « Nous allons avoir l'honneur de vous charger, » répondit Aramis en levant son chapeau d'une main et tirant son épée de l'autre. « Ah, vous résistez !» s'écria Jussac. « Sans Dieu, cela vous étonne ?» Et les neuf combattants se précipitèrent les uns sur les autres avec une furie qui n'excluait pas une certaine méthode. Athos prit un certain Cahusac, favori du cardinal. Porthos eut Biscarra et Aramis se vit en face de deux adversaires. Quant à D'Artagnan, il se trouva lancé contre Jussac lui-même. Le cœur du jeune Gascon battait à lui briser la poitrine, non pas de peur, Dieu merci, il n'en avait pas l'ombre, mais d'émulation. Il se battait comme un tigre en fureur, tournant 10 fois autour de son adversaire, changeant 20 fois ses gardes et son terrain. Jussac était, comme on lisait alors, friand de la lame et avait fort pratiqué. Cependant, il avait toutes les peines du monde à se défendre contre un adversaire qui, agile et bondissant, s'écartait à tout moment des règles reçues, attaquant de tous côtés à la fois, et tout cela en parant un homme qui a le plus grand respect pour son épiderme. Enfin, cette lutte finit par faire perdre patience à Jussac. Furieux d'être tenu en échec par celui qu'il avait regardé comme un enfant, il s'échauffa et commença à faire des fautes. D'Artagnan, qui, à défaut de la pratique, avait une profonde théorie, redoubla d'agilité. Jussac, voulant en finir, porta un coup terrible à son adversaire en se fendant à fond, mais celui-ci para prime, et tandis que Jussac se relevait, se glissant comme un serpent sous son fer, il lui passa son épée au travers du corps. Jussac tomba comme une masse. D'Artagnan jeta alors un coup d'œil inquiet et rapide sur le champ de bataille. Aramis avait déjà tué un de ses adversaires, mais l'autre le pressait vivement. Cependant, Aramis était en bonne situation et pouvait encore se défendre. Biscarra et Porthos venaient de faire coup fourré. Porthos avait reçu un coup d'épée au travers du bras et Biscarra au travers de la cuisse. Mais comme ni l'une ni l'autre des deux blessures n'était grave, il ne s'en escrimait qu'avec plus d'acharnement. Athos, blessé de nouveau par Cahusac, pâlissait à vue d'œil, mais il ne reculait pas d'une semelle. Il avait seulement changé son épée de main et se battait de la main gauche. D'Artagnan, selon les lois du duel de cette époque, pouvait secourir quelqu'un. Pendant qu'il cherchait du regard celui de ses compagnons qui avait besoin de son aide, il surprit un coup d'œil d'Athos. Ce coup d'œil était d'une éloquence sublime. Athos serait mort plutôt que d'appeler au secours, mais il pouvait regarder et du regard demander un appui. D'Artagnan le devina, fit un bond terrible et tomba sur le flanc de Cahusac en criant « À moi, monsieur le garde, je vous tue !» Cahusac se retourna, il était temps. Athos, que son extrême courage soutenait seul, tomba sur un genou. « Sans Dieu » criait-il à D'Artagnan. « Ne le tuez pas, jeune homme, je vous en prie. J'ai une vieille affaire à terminer avec lui quand je serai guéri et bien portant. Désarmez-le seulement, liez-lui l'épée, c'est cela. Bien, très bien !» Cette exclamation était arrachée à Athos par l'épée de Cahusac qui sautait à 20 pas de lui. D'Artagnan et Cahusac s'élancèrent ensemble, l'un pour la ressaisir, l'autre pour s'en emparer. Mais D'Artagnan, plus leste, arriva le premier et mit le pied dessus. Cahusac courut à celui des gardes qui avait tué Aramis, s'empara de sa rapière et voulut revenir à D'Artagnan. Mais sur son chemin, il rencontra Athos, qui, pendant cette pause d'un instant que lui avait procuré D'Artagnan, avait repris haleine et qui, de crainte que D'Artagnan ne l'eût tué à son ennemi, voulait recommencer le combat. D'Artagnan comprit que ce serait désobliger Athos que de ne pas le laisser faire. En effet, quelques secondes après, Cahusac tomba la gorge traversée d'un coup d'épée. Au même instant, Aramis appuyait son épée contre la poitrine de son adversaire renversé et le forçait à demander merci. Restaient Porthos et Biscarra. Porthos faisait 1000 fanfaronnades, demanda à Biscarra quelle heure il pouvait bien être. Il lui faisait ses compliments sur la compagnie que venait d'obtenir son frère dans le régiment de Navarre. Mais tout en raillant, il ne gagnait rien. Biscarra était un de ces hommes de fer qui ne tombent que morts. Cependant, il fallait en finir.